C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. Avant le 3 fois plus efficace. K-I-L-L, D-O-C, croyez déjà le mic. Ceux qui traînaient avec eux connaissaient leur force frappe. Quand on est type, on est nombreux. Aujourd'hui, c'est plus à Saint-Gène. On a repenté les scènes à l'époque de Teddy Ted. Avec le ménage à trois, la clique à Ourout Sneg. On a toujours misé sur notre jeune scène. Seuls peuvent s'en rappeler les gars à l'ancienne. Premier groupe indé à faire une tournée européenne. On arrête la school à 18 piges, à peine. Intermittent, à peine. Au courant qu'à cela ne tienne. On n'a fait pas de quoi vivre une vie de crève. On a réussi, on était moins souvent HL. Avec Ambre, official de Montréal à La Rochelle. On voyait grand, on a gratté, on a grimpé à l'échelle. Le rap français a accepté notre concept exceptionnel. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. C'est la M-A-G-I-E. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. Après le 3 fois plus efficace, les majors ont investi dans le rap. La radio Skyrock est devenue Skyrap. Un rendement de 100 000 exemplaires. À toute patate, les avances, les lumières, les clips, les concerts à la hâte. Le public de plus en plus ado. Mais c'est rare quand un album ou un groupe vaut le show. Les jumeaux ouvrent les cette époque, peut-être arrivé trop tôt. Destiné à être au top, car ici du troisième niveau. Underground, ni old school, ni new school. Un flow de foot félin, un style qui défoule. Y'a plus de clics, plus de clans. Les rappeurs solo pullulent. C'est plus l'époque du Wu-Tang Clan. La musique est du calcul, du piston, de la chance et 1% de talent. D'autres se sont mis à quatre pattes et nous ont vendu du flan. Combien sont-ils à avoir fait leur classique? Dis-moi, combien sont-ils à vivre de leur pop musique? C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. C'est la M-A-G-I-E. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. On est rentré dans le game. J'avais pas de sous, à chacun sa magie, à chacun son kung fu. Parce qu'on en voulait, on a réalisé quelques coups de maître. Le staff de Neg, rock, kiklo et kilomètre. Ouais, face à cette musique, on n'a jamais pris de recul. White Spirit sont les premiers à partir en testicule. On l'a joué bonhomme, on a tenu parole. On s'est dit avec eux, on ne ferait qu'un seul album. On connaît rien à ta major, tes deals et tes sponsors. Du placard au tiroir, certains peuvent y trouver leur confort. Cette magie, magie, celle qui t'anéantit. Nous on cogite à mort ou c'est la mort qui gagne la partie. Tu crois peut-être qu'on est calme, parce qu'on a tes cales. On revient foutre notre vacarme quand ma musique n'a plus d'âme. A tous ces fœtus artistes, à ceux qui vivent ce qu'ils disent. Le temps n'a pas de prise, quand sont les tripes qui misent. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. C'est la M-A-G-I-E. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E. C'est la M-A-G-I-E. Notre rap, c'est notre life, notre V-I-E.